À l'occasion du 79e anniversaire de la victoire à l'historique bataille de Botsombo, le Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjongisme a présenté dans son page d'internet un numéro titré « La flamme à Botsombo ». L'homepage a noté que la bataille de Botsombo, organisée sous la direction du président Kim Il-sung, était un grand événement qui a foudroyé les impérialistes japonais, considérés comme patrons de l'Asie.